Section 80 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 80. Impressions de voyage. Les magnétiseurs de l'Inde. Par Louis Jacolliot. Je connaissais de longue date ces jongleurs hindous, formés par les brahmes dans le silence des pagodes, dont les tours sans apprêt laissent bien loin derrière eux les plus étonnantes prestidigitations des Robert Houdin, et qui produisent à volonté sur le premier sujet venu les phénomènes les plus curieux de magnétisme et de catalepsie. Aussi, je ne manquais jamais, chaque fois que j'en trouvais l'occasion, d'assister à ces singulières expériences. J'emploie à dessein cette expression scientifique, car à côté des jongleries pures, j'ai toujours trouvé dans les actes de ces fakirs des choses tellement extraordinaires, tellement inexplicables, que je me suis souvent demandé si les brahmes, avec leur science occulte, n'ont pas réellement fait de grandes et sérieuses découvertes sur des questions qui, de nouveau agitées depuis quelques années en Europe, n'ont trouvé jusqu'à ce jour que des incrédules, quand même, ou des fanatiques, affirmant toujours et se traitant mutuellement de fous. Je vais rendre compte simplement de ce qui s'est passé sous mes yeux, sans tenter la moindre explication, ni tirer la moindre conséquence, me bornant en historien fidèle à enregistrer les faits et les phénomènes tels qu'ils se sont accomplis. Je n'hésite pas à déclarer à ceux de mes lecteurs qui pourraient trouver extraordinaires les choses dont je vais rendre compte qu'il n'y a pas, dans les pages qui vont suivre, un seul fait dont je n'ai été témoin et dont je ne certifie l'exactitude, sans avoir la prétention de l'expliquer. J'en appelle du reste à tous ceux qui, ayant vécu dans l'Inde, ont eu l'occasion de voir à l'œuvre ces fakirs charmeurs. Lorsque nous fûmes tous réunis dans une élégante salle dallée de marbre et meublée à l'oriental, le café pur Salem fut servi dans des coupelles en terre noire de Coimbatore. Chacun s'arrangea à sa façon sur son divan, et Sir Maxwell, notre hôte, donna l'ordre à son dobashi d'introduire le charmeur. Quelques instants après, un hindou, presque entièrement nu, maigre et fortement bronzé, à la face ascétique, au regard illuminé, faisait son entrée. Tout autour de son cou, de ses bras, de ses cuisses et de son corps, des serpents de différentes grosseurs étaient enroulés et ne donnaient pour le moment aucun signe de vie. Il semblait dormir. Après avoir mis ses deux mains sur son front, en s'inclinant légèrement, le fakir prononça la phrase consacrée, sans laquelle nul hindou n'oserait vous aborder. « Salam, Saheb, que Dieu soit avec vous. Je me nomme Shib Chandor, fils de Shib Gutna Mana. Salam, Shib Chandor, fils de Shib Gutna Mana. » répondit notre hôte, « qu'il te soit donné de mourir en regardant le Gange. Tu es dans la maison du Rissaldar, commandant des Sipahis blancs. Que voulez-vous de moi ?» poursuivit l'hindou. « Ta renommée est venue jusqu'ici. Nous désirons que tu nous montres ce que tu sais faire. » J'obéis aux ordres de Siva, qui m'a conduit vers vous. Ayant dit ces mots, l'hindou s'accroupit sur la dalle. À l'instant, les serpents qui étaient enroulés autour de son corps se mirent à relever la tête, sifflant doucement et sans apparence de colère. Immobile, les yeux levés au ciel, le fakir se mit à prononcer trois fois une incantation sacrée. Après avoir ainsi invoqué les divinités propices, le fakir commença ses tours. « Je laisse de côté tout ce qui touche à l'adresse et à l'escamotage, dont on peut aisément se faire une idée par nos baladins d'Europe. quoiqu'il soit incomparablement moins habile que les jongleurs hindous. En effet, ces derniers opèrent sans aucun instrument. Ils ne connaissent ni les tables à double fond, ni les gobelets, ni les bouteilles inépuisables, ni les boules s'aplatissant et rentrant les unes dans les autres. Ils ne peuvent rien cacher sur eux, ne possédant d'autres vêtements qu'une pièce de toile de 20 cm carrés en guise de feuille de vigne. Mais tout cela n'était que le prélude. La véritable séance allait commencer. Saisissant une espèce de flageolet microscopique appelé Vagouda, qu'il portait attaché à une mèche de ses cheveux, Chib Chondor se mit à en tirer des sons à peine perceptibles et assez semblables au gazouillement du Tayapaka, buveur d'huile, sorte d'oiseau ainsi appelé parce qu'il est très friand de la noix de coco écrasée, qu'il vient ramasser jusque entre les pieds des éléphants dans les moulins à l'huile. Le chant de cet oiseau se compose de roulades dont les sons sont tellement ténus et légers qu'à quelques pas, ils se confondent dans un bourdonnement d'un effet singulier. L'hindou imitait ce chant à s'y méprendre et nous allions nous demander dans quel but, lorsque nous vîmes les serpents se détacher peu à peu de ses cuisses, de ses bras et de son cou et glisser un à un sur la dalle. À peine chaque serpent touchait-il terre qu'il relevait la tête et à peu près un tiers de son corps et se mettait à se balancer en cadence, en suivant la mesure que le fakir imprimait à ses roulades. Il y en avait une dizaine, tous de l'espèce Cobra Capel, une des plus dangereuses de l'Hindoustan. Tout à coup, le fakir, laissant retomber son instrument, se mit à faire des passes avec ses mains devant les serpents, les regardant fixement avec une expression étrange, sans qu'aucun muscle bougeât sur son visage. On eût dit une tête coulée en bronze. Bien que l'œil du fakir ne fût point dirigé sur moi, j'éprouvai bientôt un malaise indéfinissable à le fixer, et je détournai les regards pour échapper au charme. Tous les assistants étaient sous le coup de la même impression. À ce moment, un petit chokra, jeune domestique chargé d'entretenir le feu pour les cigares dans un brassero en cuivre, cédant à l'attraction, se laissa glisser à terre et s'endormit. 5 minutes s'écoulèrent ainsi. Les effluves magnétiques, d'une incontestable puissance, se dégageaient réellement de la personne et de la volonté du charmeur. Nous sentions tous que s'il se fût adressé directement à nous, il nous eût endormis en quelques secondes. L'effet qu'il produisait était tel que nous ne regardions plus les serpents et que nous nous trouvions sous le coup d'une violente hallucination lorsque Chib Chondor se leva. Il fit 2 passes sur le chokra sans le réveiller et lui dit simplement en tamoul « Nerupu Kondar Isaldar », c'est-à-dire « Donne du feu au commandant ». Le cigare de Sir Maxwell s'était en effet éteint. L'enfant se leva sans hésitation, sans chanceler le moins du monde, et vint offrir du feu à son maître. On le pinça, on l'étira de toute façon. Il n'y avait pas à douter de son sommeil. Nous eûmes beau lui parler, le commander pour son service. Il ne bougea d'auprès de Sir Maxwell que quand le fakir, qui seul était en communication avec lui, le lui ordonna. Si le chokra eût été réveillé, le fakir n'aurait pas eu le pouvoir de se faire donner par lui-même un verre d'eau sans l'autorisation d'une des personnes de la maison. Nous regardâmes alors les serpents. Un spectacle plus extraordinaire encore nous attendait. Les cobras Capel, paralysés par l'effluve magnétique, gisaient tout de leur long sur la dalle, comme des branches de bois mort. Ils n'avaient pas même eu le temps, en s'endormant, de se lever dans la position qui leur est familière. Nous nous approchâmes de ces dangereux animaux, momentanément inoffensifs. Ils ne faisaient pas un mouvement, et c'est à peine si de temps à autre une légère contraction nerveuse, un frisson courant sous la peau, venait déceler la vie. Le fakir nous fit signe alors de les prendre entre nos mains, ce que nous fîmes en hésitant quelque peu. Quel ne fut pas notre étonnement de voir que nous pouvions les soulever en les prenant par un bout, comme nous eussions fait d'un bâton. Ils étaient en état complet de catalepsie. Quand nous les eûmes suffisamment examinés, nous les replaçâmes sur la dalle où le fakir les réveilla l'un après l'autre. Au fur et à mesure que chaque serpent recouvrait l'usage de ses sens, de lui-même, il venait reprendre sa place autour du cou ou des bras de son maître. Tout aussi facilement, avec quelques passes de plus, Chip Chondor fit passer le chokra de l'état de sommeil simple à l'état cataleptique et le ramena de l'un à l'autre, selon nos désirs, lui ayant demandé si sans nous endormir, il ne pourrait pas nous faire sentir sa puissance, il sourit et nous pria tous de nous asseoir. Ayant déféré à son désir, il vint à nous et nous fit quelques passes sur les jambes. Instantanément, nous n'eûmes plus l'usage de ses membres et il nous fut impossible de quitter nos sièges et de marcher. Il nous délivra aussi aisément qu'il nous avait paralysés. Chip Chondor termina la séance en produisant des phénomènes de volonté sur des objets inanimés. Je n'ose décrire les divers exercices auxquels il se livra. Il est des choses qu'on ne peut dire, même après les avoir vues, par crainte d'avoir été sous le coup d'inexplicables hallucinations. Et cependant, 10 fois, 20 fois, j'ai vu et revu les fakirs obtenir les mêmes résultats sur la matière inerte. Il y a certainement quelque chose là. Ainsi, ce ne fut qu'un jeu pour notre charmeur de faire pâlir et d'éteindre à volonté les flambeaux qu'on allumait par son ordre dans les parties les plus reculées de l'appartement, de faire mouvoir les meubles, les divans sur lesquels nous étions assis, d'ouvrir et de fermer les portes, et le tout sans quitter la dalle sur laquelle il était accroupi. À un moment donné, il aperçoit par une fenêtre un hindou qui tirait de l'eau d'un puits dans le jardin. Il fait un seul geste et la corde se refuse à glisser sur la poulie. À la grande colère du Tutukara, jardinier, qui ne savait à quoi attribuer l'aventure. D'un second geste, il rend la liberté de mouvement à la corde. Peut-être, dira-t-on, que j'ai mal vu, qu'il n'y a dans tout cela que beaucoup d'habileté et beaucoup de compères. C'est possible, je ne discute pas, je raconte, et n'ajouterai qu'un mot. Des centaines, des milliers de personnes ont vu et voient tous les jours, comme moi, les mêmes exercices et d'autres plus étonnants encore. En est-il une seule qui en ait découvert le secret ? Qui soit arrivé à reproduire les mêmes phénomènes, et je ne me lasserai jamais de répéter que tout ceci ne se passe pas sur un théâtre, avec tous les trucs de la mécanique à la disposition de l'opérateur. Non, c'est un mendiant accroupi, nu sur une pierre, qui se joue ainsi de votre intelligence, de vos sens, et de tout ce que nous sommes convenus d'appeler les immuables lois de la nature, dont il semble changer le cours à volonté. En change-t-il le cours ? Non, il les fait mouvoir à l'aide de forces qui nous sont inconnues, disent les croyants. Chip Chondor clôtura ses exercices par le tour le plus merveilleux que j'ai vu faire dans l'Inde et dont je me hâte d'annoncer que beaucoup de voyageurs ont déjà rendu compte, pour n'être point seuls, à porter le fardeau de ce récit. Ayant demandé une canne, le fakir appuya sa main gauche sur la pomme et s'élevant graduellement en croisant les jambes, resta suspendu à 2 pieds du sol, aussi immobile qu'une statue, sans autre soutien apparent que la canne qu'on venait de lui donner. Il est plus que probable qu'il y a là-dedans qu'un simple tour d'acrobate, mais il faut avouer qu'il dépasse à lui seul tous ceux de nos gymnasiarques les plus distingués. Lorsque Chib Chondor eut terminé ses exercices, comme il allait sortir après avoir reçu son salaire, je m'approchai de lui et lui dis « Le fils de Gutnal Mana peut-il répondre à une question que je désire lui faire ?»« Parle, je dirai ce qui est permis. » »« Je sais que tu ne dois pas dévoiler le secret de ton initiation. Je voudrais simplement savoir de toi si tu agis avec les mêmes moyens sur la matière organisée, sensible, comme les serpents, le chokra, la tanigarchi, que tu as fait obéir à ton gré, et sur la matière inorganique et insensible, sur les flambeaux que tu as éteints, les sièges et les meubles que tu as fait mouvoir. Je n'ai qu'un seul moyen pour dominer l'une et l'autre. Quel est-il ? La volonté. L'homme, qui est la résultante de toutes les forces intellectuelles et matérielles, les doit dominer toutes. C'est tout ? Les Brahmes eux-mêmes n'en sauraient dire davantage. Merci, Salam, Chib Chondor. Salem, Saeb. Et ayant salué de la main le colonel et ses invités, comme il l'avait fait en entrant, le fakir se glissa le long de la véranda et disparut dans la direction de la pagode dédiée à Siva, à laquelle il était attaché. Fin de la section 80, lue par Margot.